des haines veulent me stopper. Je serai seul coupable de ma chute si je dois me louper. Tu vois ce que je veux dire? Laisse les jalousés se contenter de rien foutre et croire que le peu de billets qu'ils ont vont s'accoupler puis se reproduire. Et puis quoi encore? Ils attendent sûrement que je me résigne à interférer sur leur réseau. Ils gagneraient plus de temps à attendre après un street album en commun de ROH, de ZF et de B2O. Chez nous on prie pour ce que l'on veut et on charbonne pour ce dont on a besoin. V'là les businessmen en boubou, venus en paix avec des armes de guerre sous les voisins. Mon un coup, on encaisse les coups comme des vagins. Juste rappeur au chaume d'une et reconnu par les gosses des voisins. Tous ces MC sont guest mais vendre sur un buzz qui n'en est pas un. À force de se faire saucer par quelques gratteurs, soirée branchée et deux trois joints, je n'obéis pas aux ordres, je réponds pas aux normes. Prenez ce son, c'est mon sang, je ne rappe plus. Je fais que m'ouvrir les veines sur fond sonore. Avant que les asticots ne fassent un festin, mes intestins, je prête ma vie, ma plus belle œuvre artistique. C'est pas ce que me réserve le destin, mais que ce soit dans la vente de drogue ou celle de disques. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, j'aurai ton âme et ton fric. Je suis pour quatre causes et de grosses froideurs sur les prods, des prods phraseurs. Je suis de la coke, les autres sont des substituts. MC, tu m'arriveras au couille, peut-être quand les Renois seront unis, que Sarko et Chirac seront au trou et que les roses pousseront sur le bitume. Tu l'as pas vu venir normal parce que mes rimes tombent comme du sursis sans prévenir, mais à chaque fois, tu peux être sûr que ça fait mal. Aussi militant que soient mes saumons, ça ne restera que du rap. Aussi domine et slim et que tu sois, tu ne restes qu'un sale arabe. Aussi clair de peau que je puisse être, je ne suis qu'un sale négro. Mais je ne prends pas plus mal d'être le chinois manquant entre l'homme et l'animal. Tu trouves que j'en fais trop? Tu kiffes en scred, mais t'assumes pas comme tous les ghetto youth au bois de groupe qui enfile des brésiliennes qui s'appellent Pedro. Tout le monde d'accord comme avec Kesco. On a ce regard revolver qui te stoppe dans ta lancée. Si tu projetais de faire le show, la famine, c'est la chance plus en force. Méfie-toi car tous les Togolais sont des sorciers. Les Camerounais sont des escrocs. Yes, gros, revendez vos sex toys et coffrez le bif. Y'a Desperados qui va sortir courant juin. Que le média hip-hop digne de ce nom fasse le relais de l'info franchin. Que tous mes deux tests qui se respectent fassent péter le son dans son engin. Combien de temps va falloir que je prouve pour fermer le cul de tous ces sceptiques? MC ne me demande pas en vite. Si tu sais que t'es un type susceptible, je t'explique de deux choses l'une. Soit tu prends le risque que je dise non, soit tu t'exposes à la triste éventualité que je t'humilie sur ton propre titre. J'aime la polémique, je te sors une rumeur comme je sors ma bite. Allez, tiens, j'ai signé chez ta lacrycorde et je suis un illuminati. Je leur laisse le soin de se les prendre comme ils l'ont fait sur le canular de la reformation de lunatique. On m'a dit dos, on met point en cause tes qualités, ni le fait que tu sois en effet un rappeur d'exception. Mais au top 6, ça fait une pige, t'as plus assez de buzz pour sortir avant cet été. Ils sont trop à fond sur la section. Desperados, mixtape, bientôt dans les boîtes. Pour un bel homme corporation, c'est la famille, 45 000, Orléans ma vie, 95 balles d'Argenteuil, Zubstar, Narbé, Kamer, 93 Saint-Denis, Blood, c'est Bako, c'est mon groupe, une musique, frangin. Tos, c'est la famille, Desperados, bientôt dans les packs.